Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Voilà, bonsoir. Bonsoir, donc nous nous trouvons sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis de 22h30, de 20h30 à 22h. Notre adresse est toujours le 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 de Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre ou nous poser des questions ou même nous engueuler, c'est votre problème. On vous répondra de toute façon. C'est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, ce soir nous avons quelques personnes en studio. Nous avons deux femmes. Hélène et Gladys et un homme, Serge, de la coordination des sans-papiers. Et les femmes, c'est du comité des femmes sans-papiers. Voilà, donc on va ce soir parler, parce que bon, pour vous annoncer d'une part qu'il y a une manifestation le 28 avril à partir de 14h qui démarrera à la Gare du Nord, qui est une manifestation exclusivement de sans-papiers, c'est ça? Et on va peut-être donner la parole à Serge au début pour savoir un petit peu comment qu'est-ce qui se passe actuellement dans la dynamique des sans-papiers et comment un peu parler d'historique. Et... Merci Nicole, bonsoir. Depuis un bout de temps, on a commencé à clôturer. Et on va vers la clôture de notre agenda et avec la manif que nous allons faire le 28 avril à la Gare du Nord. Vous savez, c'est depuis 2014 que nous sommes dans la rue à revendiquer les droits des femmes et des enfants, des hommes qui sont ici. Et on n'avait pas été écoutés. À un moment donné, on s'était tourné vers la population. On a fait la caravane des sans-papiers qui nous a conduit à rencontrer des citoyens, des politiques. Et cette campagne, la caravane des sans-papiers, a poussé aussi le CNDD à produire ce qu'on appelle les communes hospitalières. Parce que quand on a mis en lumière aussi la crise oubliée des sans-papiers, les citoyens se sont quand même réveillés. Et avec ce qu'aussi on avait appelé la crise de l'accueil, la crise des migrants en 2015, la plateforme des citoyens aussi s'est créée pour héberger les gens. On a vu qu'il y avait une dynamique qui commençait à se créer. Et donc, depuis là, on a commencé à se tourner vers les politiques. Et on a demandé aux deux grands syndicats de la Belgique de mettre autour de la table les partis politiques pour essayer de regarder la question des sans-papiers, ces femmes et ces hommes qui vivent ici depuis des années. Et les partis politiques qui étaient autour de la table étaient unanimes de comprendre qu'il y avait quand même un problème et qu'il fallait trouver des solutions durables pour ces personnes. Mais sauf que tous les partis politiques autour de la table n'étaient pas au gouvernement, vu que ceux du gouvernement avaient décliné notre invitation. Et alors, il nous avait été demandé à la prochaine fois, si on devait se voir, qu'on vienne avec des propositions pour essayer de voir... avec les élections qui pourraient arriver en 2019, comment on peut changer la donne. Et nous, on a essayé de travailler entre nous avec les sans-papiers, nous sommes allés les interroger. On a mené une enquête, on a réalisé une enquête que nous avons publiée, maintenant en deux volets. Le premier volet concernait les résultats qu'on a présentés pour les élections locales Parce qu'il y a des solutions qu'on peut trouver pour les sans-papiers au niveau local aussi, avec les bourgmestres, les conseillers communaux dans les communes, parce que nous sommes les habitants des communes, des villes. Et donc la question des CPAS se trouve, la solution se trouve au niveau des communes. Donc on a produit ce travail-là. Et ça nous a conduit à faire le tour de beaucoup de bourgmestres. On a été à Watermal-Boisfort, à Oderghem, on a été reçus par les bourgmestres, à Woluwe-sur-Lambert, à Mille-Bruxelles, à Ixelles, à Saint-Georges, à Saint-Gilles, à Anderlecht. C'était des échanges fructueux qui... Il y a eu une écoute de ces échanges. On retient quand même, par exemple, les bourgmestres, un bourgmestre qui a pris la résolution de pouvoir écrire à tous ses amis bourgmestres de pouvoir soutenir la régulation de son papier. Donc, ce premier travail était qu'il fallait que tous ces politiques que nous avons rencontrées puissent pousser aussi la question de son papier au sein de leur parti. Et donc, nous avons un deuxième document qui sera publié, qui est déjà publié en ligne, mais on a prévu une conférence de presse le 26 avril, à la veille de notre manif, de faire une conférence de presse, de publier tout notre combat, tout ce que nous avons fait, parce que la vie et les sans-papiers devient inadmissible. Et vous savez, on est comme enterré vivant, donc nous voulons qu'on puisse avoir un gouvernement qui va nous proposer une politique d'asile et d'immigration un peu apaisée, sans répression, parce que la répression, quand elle est là, la politique que nous avons subie, il y a toujours eu des violations des droits humains. Donc nous voulons gagner la dignité. C'est pour cela que nous allons manifester le 28 avril. Dans les détails, je pourrais vous dire comment ça se prépare. Moi, j'avais encore une question quand tu dis que la rencontre avec la bourgmestre communale était fructueuse. Par exemple, très concrètement, sur la carte médicale, l'accès aux cartes médicales dans les CPS, est-ce que là, ils ont vraiment changé leur politique? Est-ce qu'ils ont dit oui on va spécialiser un peu notre personnel pour la question de la carte médicale, que ça se passe plus vite ou que vous ne devez pas attendre des mois avant que ça soit renouvelé, les rendez-vous. Est-ce qu'il y a eu des propositions vraiment concrètes pour changer la donne ou, En fait, oui, nous avons rencontré des présidents de CPS qui accompagnaient souvent les bourgmestres. Nous leur avons dit que c'était eux qui étaient vraiment au front de la lutte contre la pauvreté. Et aussi vrai qu'ils étaient contre la pauvreté, ils ne pouvaient pas continuer à nous marginaliser comme ça. Et les présidents de CPS que nous avons rencontrés, nombreux ont été aussi favorables à pouvoir soutenir l'idée de la régulation des sans-papiers. Et donc sur la question de l'aide médicale urgente, effectivement, ils ont pris il y a eu des présidents de CPS qui ont pensé qu'ils devraient en discuter en conseil des présidents de CPS pour voir dans quelle mesure ils pourront harmoniser. Parce que l'idée, c'est d'harmoniser, de rendre souple l'accès de cette aide médicale urgente qui est jusque-là vraiment, pour l'obtenir, parfois c'est comme un chemin de la croix. Donc ils ont compris parce que c'est... Vous avez témoigné qu'il y a vraiment des gros soucis avec cette... Oui. Cette préoccupation a été bien exposée, bien entendue. Ils ont enregistré, sauf que bon, il n'y a pas des engagements écrits. Bon, c'est des ententes et les portes sont ouvertes. Il y a des communes où on nous a dit que bon, ils vont ouvrir. Il y aura un point focal carrément pour les sans-papiers dans... par exemple à Saint-Gilles, la présidente de CPS est engagée à pouvoir accompagner les sans-papiers toutes les difficultés possibles qui peuvent survenir dans la Donc il vous a invité de revenir pour d'autres dialogues après. C'est prévu, il y a des rencontres comme ça, les portes ne sont pas fermées, au contraire, les échanges nous ont encore ouvert des opportunités d'échange, donc c'est à nous de voir comment on peut peut-être présenter des dossiers, par exemple, en termes de logement, comment on peut présenter un dossier qui peut être soutenu dans une commune. Il y a des résolutions qui seront, par exemple, votées dans certaines communes pour soutenir la question des formations des sans-papiers qui est posée par Actiris. Et nous pensons que c'est des avancées, mais nous voulons des actes. C'est vrai qu'il y a nous sommes aussi en campagne. Bon, voilà, on peut aussi entendre beaucoup de choses, mais nous attendons des actes qui, in fine, en principe, doivent nous conduire dans l'intégration des droits, enfin, à intégrer l'état de droit belge. Donc, c'est de donner des droits aux femmes, aux enfants qui vivent ici. L'idée, c'est celle-là. Mais donc, vous avez donné des exemples concrets comme le projet de logement qui sont déjà réalisés autre part, dans d'autres communes, comme qu'eux aussi peuvent faire ça avec offrir des bâtiments sur les occupations et tout ça. Ça, nous avons exposé dans certaines communes. On nous a demandé de présenter des exemples qui étaient déjà viables, sur lesquels eux aussi pouvaient dupliquer. Et donc, nous allons travailler dans le fond, dans cette démarche. Là où on nous a posé ce genre de questions, enfin, cette demande-là, on va repartir, le combat n'est pas fini, parce que, par exemple, sur la question du logement, le problème est réel et crucial pour les femmes sans papier. Et nombreuses sont maintenant dans la demande. Et donc, nous devons faire les pieds et les mains pour amener les politiques à ceux qui servent de passerelle à faire occuper certains bâtiments vides pour que les gens trouvent un toit. Parce que sans toit, la personne perd toute son dignité, ça, eux, ils le savent. Voilà, donc on peut pas. Il est inadmissible de voir des hommes et des femmes continuer à dormir dans la rue. Et ces échanges-là, nous pensons que c'était le moment quand même de poser le problème. On est en train de faire un travail aussi avec le groupe parlementaire au niveau de la région bruxelloise sur la question du logement. Donc nous allons pousser, on est très attentifs pour essayer de voir comment les bâtiments publics peuvent rester pendant des années vides alors qu'il y a des gens qui n'ont pas un toit. Donc nous poussons ce débat, nous sommes sur ce front et c'est dans l'intérêt des Belges aussi et des sans-papiers que nous faisons ce combat. Mais concrètement, il n'y a pas une commune qui a dit « Ah oui, maintenant, après, quand on a formé notre nouvelle formation, après, on peut aller dans le concret. » Parce que c'était juste avant l'élection communale. Maintenant, les communes sont organisées. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'engagement ferme. Mais est-il que ces échanges doivent se poursuivre parce que ce n'est pas dans les premiers contacts qu'on peut vraiment avoir. Il faut que les sans-papiers continuent aussi à s'organiser comme ils le sont et poser des problèmes de façon logique et tangible que... Parce qu'aujourd'hui, avec l'argumentaire que nous avons développé, que nous développons à la coordination avec tous les collectifs, c'est de... les politiques seront obligés de régulariser les sans-papiers. Il y a beaucoup de raisons qui font ça. Oui, mais ça, c'est au niveau fédéral, donc ça, c'est plutôt pour l'élection fédérale. Voilà. Mais c'est déjà qu'au niveau local, au moment où on commence à pousser ou bien à nous écouter, à entendre cette question... Parce qu'on leur a dit, si les citoyens se sont mobilisés pour les communes hospitalières, il ne faut pas que ça serve à rien, ça doit servir à quelque chose. Si on a réussi à rejeter le projet de loi sur les visites domiciliaires, c'est une avancée pour la démocratie et pour tous les Belges. Si la Belgique a signé le pacte global sur la migration, c'est un point favorable. Pour nous disant ok, mais il faut aller au-delà. Si le Conseil d'État a suspendu l'arrestation des enfants dans le centre fermé au 127 bis, c'est déjà ok. Ça voudrait dire que non, la politique qui a été menée par le gouvernement qui est maintenant en affaire courante, pensant que cette politique d'asile migration a été rejetée. Parce que c'est par cette politique qu'elle se voulait se rendre forte, mais c'est par cette même politique que le gouvernement a chuté. Ah oui, mais ça, c'est... Donc, c'est, nous avons démontré, nous sommes en train de démontrer que si aujourd'hui Actiris, en tant qu'institution, en gestion de la formation des gens, dit que non, ils veulent former les sans-papiers en métier en pénurie, c'est qu'il y a quand même une demande. Ce n'est pas les sans-papiers qui sont allés demander à Actiris de le demander, mais c'est eux. C'est qu'il y a un problème. Donc, la solution, c'est un problème politique. Il faut un courage politique pour pouvoir dire oui, maintenant c'est l'heure, parce que voilà. Le besoin est là. On ne peut pas. Oui, mais il y a certaines choses qui sont liées à la régularisation. Il faut d'abord être régularisé pour avoir cet accès aux formations d'actrices, si je suppose, parce qu'il y a eu plein de rumeurs que les gens pensaient qu'ils pouvaient déjà, comme sans papier, aller suivre des formations d'actrices, mais ce n'est pas le cas. C'est d'abord la régularisation. Et après, avoir accès aux formations, si j'ai bien compris. Ouais, le fait qu'Actiris ait posé ce besoin, le besoin est connu de tout le monde, les patrons le savent, il y a besoin de main-d'œuvre en termes de métier en pénurie, et qu'il y a des gens qui sont aussi déjà formés ici. L'idée, ce n'est pas nouveau. Le Conseil économique et social avait déjà dit en 2016 que il fallait, parce que c'est cette demande-là est expresse. Est-ce qu'aujourd'hui, parfois, même si on veut nous criminaliser via le travail noir, mais nous pensons que le gouvernement, c'est lui qui organise le travail noir. Si aujourd'hui, vraiment, on veut lutter contre la fraude fiscale, la meilleure des choses, c'est de régulariser les sans-papiers. C'est leur donner les droits et de faire entrer l'argent dans les caisses de l'État, au lieu que ce soit les patrons qui puissent gagner. Ça, nous le disons. Parce qu'on regarde souvent ces problèmes-là dans d'autres facettes. Mais on ne regarde pas dans les fonds des choses. Aujourd'hui, la Belgique, qui se dit État de droit. État de droit, si c'est vraiment État de droit. Comment on peut laisser les femmes sans droit? Parce qu'une femme, sans papier, elle est vulnérable, exposée à tout jamais, à toutes les exploitations possibles. Le 25 novembre, chaque année, on manifeste maintenant contre les violences faites aux femmes. Mais ces femmes-là, quand elles n'ont pas de droits, elles ne savent pas se défendre. Mais donc, la pire des violences qui leur fait ça, c'est les pouvoirs publics. Donc, il faut vraiment qu'on trouve des solutions. La Belgique peut montrer l'exemple. Ils en ont les moyens. Dans le passé, ils ont déjà montré l'exemple. Quand en 93, ils s'étaient arrogés, par exemple, la prérogative de pouvoir juger les dictateurs qui pouvaient violer les droits humains dans des pays à l'étranger. Mais c'était ça. Donc l'idée, c'est de montrer l'exemple. On ne s'enferme pas, on ne peut pas... Voilà, aujourd'hui, on est là. C'est des milliers de personnes qui sont là, avec leurs enfants. 10 ans pour certains, 15 ans. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est unanime. Tout à fait, mais c'est juste, je dis, il y a certaines choses qui peuvent être réglées au niveau communal, donc c'est le logement, c'est l'aide médicale, des choses comme ça, et aussi les rafles, tu vois, pas exécuter les rafles, parce que ça, c'est quand même aussi le bourgmestre, c'est lui responsable pour la police. Donc, il y a certaines choses qui peuvent être faites vraiment, et des choses concrètes qui peuvent être réalisées par le pouvoir local. Et après, il y a d'autres choses, maintenant, pour les élections fédérales. Mais dans tout ça, nous avons dit, effectivement, nous, quand nous avons nos militants, effectivement, nous nous amenons à être dans le droit chemin. C'est vrai que, mais la police, les rafles que nous avons vécues, nous les avons dénoncées, nous continuerons à les dénoncer parce que la politique de la répression, ce n'est pas celle-là la solution. Ça fait 20 ans que les centres fermés existent. Quel est le bien-être de plus que ça a apporté aux Belges? Parce que les centres fermés existent. Qu'est-ce que ça a donné de plus en termes de bien-être à ceux-mêmes qui envoient les gens enfermés là-bas? Ça s'améliore quoi au quotidien des gens? Donc c'est pour dire que non, cette politique-là, si on l'évalue, c'est à effet zéro. Si c'est pour montrer seulement que on essaie de... Mais sinon, c'est inadmissible d'arrêter quelqu'un qui n'a rien fait de répréhensible. C'est même celui qui a fait de répréhensible. Oui, mais les communes continuent à le faire. Donc ça, nous... L'idée, donc, est-ce qu'ils ont vraiment... est-ce qu'il y a quelque part un vrai soutien on ne le voit pas encore. Quoi. Mais au stade où nous sommes, nous, ouais, on a fait ce qu'il fallait faire, poser le problème. On nous reproche souvent, par exemple, que les sans-papiers, on ne les voit pas. Pourquoi ils... Aujourd'hui, parfois, c'est comme si les sans-papiers sont coupables. Ils n'ont pas de papiers parce qu'ils ne manifestent pas. Je sais pas si on doit... Mais non, c'est un problème des droits humains, c'est un problème de dignité. Les gens, quand ils l'ont perdu, donc il faut... Voilà, c'est... Aujourd'hui, c'est aux Belges, de... avec leur voix, avec leur la manière dont ils vont voter, ils pourront changer la donne. Voilà, ils pourront changer. On peut tourner la page. Voilà, que c'est genre, si vraiment il y a une écoute, si on fait une lecture de tout ce qui s'est passé, un enfant de 2 ans a été tué, la population s'est mobilisée sur beaucoup d'aspects en lien avec la migration. Il faut faire la balance de ce qu'apporte la migration. Nous avons été dans les universités. On a échangé avec les professeurs d'université. Ceci, aucune voix discordante qui dit que non, voilà, la migration, ça va nous amener ceci. Le contraire. Donc, il n'y a que du positif avec la migration. D'où vient le discours qui fait que non, on ne peut pas accepter déjà ceux qui sont là. Vous voyez ? Donc, nous, on attend qu'on nous dise que non, voilà. On dit que si on régularise les gens, les conditions de ceux qui sont régularisés vont s'améliorer. Le pays aussi va gagner. Ce n'est pas qu'il va perdre, mais il va gagner. Les exemples partout ont été comme ça. Est-ce qu'on veut gagner ou bien on veut continuer toujours à perdre ? On parle de... C'est vrai qu'il y a déjà un trou de 11 milliards, ce n'est pas ça qu'on viendra combler, mais quand même, on apportera quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment c'est de s'inscrire dans cette dynamique. Nous pensons que c'est possible, mais la balle est du côté des Belges aussi, parce que ce tournant du 26 mai, au soir du 26 mai, il faut qu'on ressente que quelque chose a changé. Voilà, qu'il n'y ait plus d'exclusion, qu'on ne parle plus de sans-emploi, de sans-papiers, de sans-abri. Il faut qu'on aille vers l'inclusion de tout le monde dans la société. Peut-être on peut arrêter un petit peu à faire une petite musique et après on peut continuer sur ça. Ouais. Chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh. Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En levant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Nanana. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. plus dorée. Mille animaux en cage et bâti nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève mes vides? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. Na na na na. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Voilà, nous nous retrouvons toujours sur Tranche d'Anar, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Tu as une question à poser ou on donne la parole ? Non, je pense qu'on était arrêté à la veille des élections le 25 mai. Mais je pense que peut-être dire un peu plus sur qu'est-ce que vous êtes allé faire dans les universités, pourquoi vous étiez allé voir les jeunes. Dans les universités, nous avons été, on a présenté notre combat et de façon, toute la ligne du temps de notre combat a été présentée dans les universités auprès des politiques qui étaient aussi présents et auprès des universitaires où on a eu la conclusion avec notre demande qu'est la régularisation. On a étalé toute la situation, le vécu des sans-papiers, la situation des femmes, la situation des enfants, ces enfants qui souffrent dans le silence, dont on n'entend pas souvent, dont les politiques même ne connaissent pas. C'est des histoires qui commençaient à entendre maintenant. La question des femmes, la question des travailleurs sans-papiers qui participent aussi, et tant soit peu, à l'économie de ce pays. Et les universitaires se sont prononcés, ils ont donné un peu la vision globale dans toutes les universités, que ce soit Louvain-la-Neuve, à Mons, ou en passant par Namur, à l'ILB, ils sont tous unanimes de la plus-value de la migration, qui, tant du point de vue culturel, philosophique, économique, apporte quand même plus aussi dans la société. Donc, c'était le bon endroit de donner la dignité à ces personnes qui on fait un choix de vie pour vivre en Belgique. Et donc, la plupart des partis que nous avons rencontrés, et même les étudiants aussi en matinée qui ne connaissaient pas la question des sans-papiers, ont été édifiés avec des jeux ludiques, avec la compréhension de plusieurs thèmes qui se faisaient, des échanges, des explications, de façon à ce qu'ils amènent aussi les débats dans leur foyer, dans les familles, parce que ils sont parfois témoins des choses. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui se mobilisent sur la question du climat, mais on leur a dit aujourd'hui les questions climatiques se pensent ensemble avec les questions de migration. C'est des choses qui se pensent ensemble, ça ne peut pas être dissocié pour dire que voilà. Donc nous tous nous sommes des humains et que voilà, s'il y a un tsunami qui va déferler quelque part, c'est au stand là-bas, les gens vont chercher à venir ici, et c'est nous tous aussi qui allons les recevoir, etc. Donc c'est tous ensemble qu'on doit gagner ces luttes. C'est ce message que nous avons amené et l'idée c'est vraiment d'arriver à faire un bon choix tant du point de vue de ceux qui vont aussi trouver des solutions sur les questions du climat, de l'économie et de la migration en ce qui nous concerne pour les sans-papiers de nous intégrer dans l'état de la Belgique. Donc c'est juste les femmes, parce qu'on ne vous a pas encore entendu. Vous avez participé à quel moment, à quelle rencontre dans toute cette campagne politique avec la coordination? Je suppose que vous êtes allé aussi au niveau communal et aussi aux universités. Oui, on est allé déjà voir les bourgmestres de Bruxelles. Là, quand même, moi, j'étais présente. On avait parlé sur beaucoup de choses, sur les soins médicaux, la carte médicale, les logements aussi, la scolarité des enfants. Bon, il nous a promis quand même qu'il va essayer de faire quelque chose. Bon, on attend, hein. On attend, et il n'y a pas seulement les bourgmestres de Mines et Bruxelles, il y a aussi, on a parcouru quand même dans plusieurs communes. On attend seulement ce qu'ils nous ont promis, s'ils vont réaliser ça. Est-ce qu'ils ont compris la situation pour comment c'est pour les enfants, sans papier à l'école, toutes les difficultés qu'ils rencontrent, aussi vous comme mère, et peut-être père, avec les enfants sans papier, qu'est-ce que c'est pour vous d'expliquer aux enfants pourquoi telle ou telle chose n'est pas possible, quoi. Oui, moi, parfois, ça m'arrive avec les questions que les enfants me posent tout le temps à la maison. Bon, j'essaie quand même de les répondre à leurs questions, de les faire comprendre la situation. Mais je vous dis que c'est difficile. Un enfant reste un enfant. Même si tu lui expliques la situation, à ce moment-là, oui, l'enfant peut comprendre. Mais après, voilà, ce n'est pas exactement ce que l'enfant veut. Parce que moi, je sais que tous les enfants sont égaux. Et il y a même une loi ici à Belgique qui dit que tous les enfants ont droit aussi à l'instruction. C'est quand même fondamental et ils ont droit aussi à l'éducation. Mais la loi est là. La loi est là, mais pourquoi on n'arrive pas à la pratiquer? Pourquoi? Les enfants ont beaucoup de difficultés au niveau des écoles. Même pour faire des voyages scolaires, c'est difficile parce qu'il faut payer. Il faut faire tout le temps des tours, des va-et-vient à l'école, expliquer au directeur ou soit au professeur, voilà le cas de mon enfant. Il y a des écoles, certaines écoles arrivent quand même à comprendre, on peut laisser l'enfant voyager parce qu'ils ont quand même un budget comme ça pour aider les enfants en difficulté. Mais ce n'est pas dans toutes les écoles. Ça s'arrête peut-être aussi un moment à un certain âge, parce qu'il y a l'école primaire, mais il y a l'école secondaire. Et donc, à l'école secondaire, c'est peut-être une autre vie là-bas. À l'école primaire, oui. Mais dès que l'enfant a 18 ans, il est déjà considéré comme majeur. Alors, pour aller à l'université, c'est difficile. Même pour suivre des formations, c'est difficile, parce que là, il est déjà adulte. Donc, il est considéré comme moi, je suis là, et c'est difficile d'avoir un enfant comme ça, soit un garçon comme ça à la maison, qui ne fait rien, qui doit passer toute la journée comme ça à la maison. Voilà, c'est difficile. Il y a les enfants qui font même des jobs étudiants, mais avec les enfants sans papier, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire tous ces jobs-là, parce qu'il n'y a pas de séjour. C'est difficile. Au niveau de l'école primaire, ça peut passer. Et moi, souvent, je me demande, alors s'ils savent ça, que les enfants sans papier ne peuvent pas aller à l'université, suivre les études comme tous les enfants, alors pourquoi laisser un enfant comme ça commencer la maternelle, faire l'école primaire et continuer jusqu'à un certain niveau, l'enfant soit bloqué? À quoi ça sert? Ou soit vous laissez les enfants comme ça sans étudier, ou si l'enfant doit aller à l'école, il doit aller à l'école, il doit continuer jusqu'à la fin. Je sais à un certain moment que vous avez aussi demandé une allocation familiale pour l'enfant, parce que normalement c'est l'argent qui va vers l'enfant. Et est-ce que là, vous avez pu en parler avec certaines personnes? Pour ça, moi, à l'école de ma fille, j'ai fait partie des comités des parents. Et je crois, le mois passé, on avait une réunion des parents comme ça, et on parlait sur les bourses. Les bourses d'études qu'on donne aux enfants. Alors, j'en avais vraiment profité pour poser aussi la question pour les enfants sans papier. Alors, on m'a dit que c'est difficile. Donc, il faut seulement voir les séjours aussi, les papiers, pour bénéficier de ces bourses-là. Donc, les enfants qui n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas recevoir. Donc, s'ils ne peuvent pas recevoir les bourses d'études, donc l'allocation familiale non plus. Donc, on ne reçoit rien du tout pour les enfants. Mais il y a l'État belge qui oublie que tous les enfants ont le même besoin. cet enfant doit aller à l'école, il doit manger, il doit s'habiller. Et où est-ce qu'on va sortir cet argent-là? L'enfant ne doit pas se sentir différent des autres. Non, il doit se sentir aussi à l'aise. Ce n'est pas le cas avec les enfants sans papier. Et toi, Gladys? Gladys. Oh, moi, je suis seule. Les enfants. Non, mais tu n'as pas d'enfants. L'État belge doit reconnaître quand même la loi. Parce que c'est écrit. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé au hasard comme ça. C'est écrit, c'est bien fondé. Alors, l'État doit quand même respecter ça aussi. Comme on avait ouvert les centres fermés pour les enfants. Comment mettre un mineur dans un centre fermé? Ce n'est pas possible. Moi, je ne pense pas que si on essaie de demander ici à un Belge, s'il peut accepter, même un Belge qui montre même les doigts pour dire que lui, il est d'accord pour qu'on mette son enfant dans un centre fermé. Il n'y aura personne, hein? Je pense qu'il n'y aura personne qui va s'élever pour dire que oui, moi, je suis d'accord. Personne. Alors, pourquoi on doit faire ça aux enfants, ça, papy? Si les enfants sont ici, ce n'est pas parce que les enfants ont voulu. C'est peut-être que les parents, ils ont vécu des problèmes là, dans leur pays, soit des problèmes politiques ou quoi. Il y en a tellement beaucoup. Et c'est ce qui a fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui ici avec les enfants. Ces enfants sont des innocents. On ne peut quand même pas continuer à les traiter comme ça. Non, mettre un enfant dans un centre fermé, sa vie n'est pas là-bas. La vie d'un enfant, c'est à l'école, entouré avec ses amis. C'est ça sa vie, mais pas dans un centre fermé. C'est vraiment inacceptable. Bon, sur ça, tu peux peut-être rajouter que maintenant, il y a eu un... Ça a été passé à la cour... Non, le Conseil d'État, et que là maintenant, ils ont... C'est récent, ça. Hein? Donc, oui, il y a eu une décision sur... Le Conseil d'État a suspendu l'arrestation des enfants, enfin, mise en place des enfants au centre fermé de... Nous, ce que nous voulons, c'est carrément l'arrêt de cette politique. Voilà, ce n'est pas la suspension, parce que, voilà, bon, c'est déjà un pas en avant, mais vous savez ce que l'État belge a fait, on appelle ça la récidive. Ils ont été déjà condamnés sur cette question à 3 reprises. Mais donc, revenir sur ça, c'est comme quelqu'un qui a déjà commis un acte, on l'a condamné, il refait la même chose, c'est la récidive. Ce n'est pas bon pour un État, ce n'est pas de bons exemples à montrer. Si j'ai bien compris, la lutte continue, il y a pas mal de pétitions qui continuent à circuler. C'est bien clair que tout le monde dit, bon, c'est pas fini ce combat-là, mais il faut continuer. Évidemment, c'est pas fini, on reste éveillé, on reste la lutte. Mais l'idée, c'est d'arriver à arrêter avec l'enfermement des citoyens, des gens qui n'ont rien fait de répréhensible, des sans-papiers, voilà. Ce n'est pas un crime, être migrant, ce n'est pas... On doit dépénaliser la migration. Il faut arriver là. Il faut que les gens comprennent que quand les migrants sont là, le contraire, le pays bénéficie des choses. Les gens sans papier, on s'identarise comme ça. Si les gens avaient les papiers, c'est sûr qu'on faisait des mouvements, on voyagerait, on repartait peut-être chez nous, peut-être qu'on ne reviendrait plus, peut-être que bon, voilà. Mais c'est cette situation seulement de laisser les gens comme ça qui est inadmissible. Qu'on essaie de changer de paradigme, si on peut le dire, de changer un peu d'expérience, une autre politique. Il faut expérimenter autre chose. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est parce que ça, j'ai vu dans votre mémorandum, vous parlez aussi d'un livre, si j'ai bien compris. Il y a un livre qui a écrit sur le point positif de migration. Vous pouvez parler un peu sur ce livre? C'est qui? C'est quoi? Nous avons rencontré beaucoup de professeurs d'université, mais on a retenu Monsieur Amso de Liège, je crois, si le nom m'échappe. Et c'est un chercheur, éminent chercheur, qui a fait des travaux sur la migration. Et donc on a pris son pont de il nous a donné son point de vue sur cette question. On a pensé qu'il fallait qu'on mette ça dans notre cahier de recommandations, parce que c'est ceux qui veulent le contredire, bon, ils peuvent l'inviter en débat. Hein. Ces éminents chercheurs qui ont consacré leur vie, quand vous entendez François Gemmel, ils ont consacré leur vie dans ces recherches. Ils ont témoigné déjà, par exemple, devant les partis politiques. Mais les partis politiques n'ont pas des arguments contraires. S'ils les ont, aujourd'hui... Il donne des conférences, lui, ce chercheur. Bien sûr, il donne des conférences. On a plus d'une fois, à Toisons d'Or, nous avons été au siège de MR pour écouter les éminents économistes, les éminents chercheurs venus parler de la migration, donner les aspects positifs de la migration. Et donc, ici, c'est... S'il y a une volonté politique, si on ne fait pas la course derrière le populisme, derrière ceux qui, voilà, cherchent les voies en pensant que non, en optant cette attitude, on sera bien avec les citoyens. Mais on se trompe, les Belges ne sont pas aussi austères que ça, ou bien... Non, ça c'est... On nous a peint à un moment donné... quelqu'un soi-disant qui était populaire, mais nous avons dit que c'était la presse qui faisait de lui. Comment, s'il était aussi bon que ça, s'il faisait bien son travail, comment on peut nous expliquer qu'il soit recadré au moins 12 fois par son premier ministre? C'est ça le problème. Parce que les gens doivent se poser des vraies questions. Il a bien travaillé, ok. Mais pourquoi le premier ministre l'a recadré 12 fois? C'est qu'il y avait problème. Pourquoi les autres ministres n'ont jamais été recadrés? Il n'y a que lui. Il y a un problème. C'est là où on doit se regarder. Est-ce que c'est bien de se comporter comme ça ou bien de gérer la cité comme ça? Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Le pouvoir discrétionnaire dont il était détenteur. Qu'est-ce que ça produit? C'est l'histoire des visas vendus à 10 000 euros. Mais si c'était notre citoyen aujourd'hui, serait derrière les barreaux. Mais voilà, il faut que les citoyens disent que non... Ces choses-là doivent s'arrêter. C'est pour cela que nous demandons une commission indépendante pour regarder la question de la régularisation. Que ça ne soit pas qu'on abroge un peu le 9 bis et le 9 terre, où c'est le pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État, de l'office étranger. C'est vraiment c'était l'arbitraire qui se passe. Même dossier, mêmes éléments. Toi, tu es régularisé, moi, je ne le suis pas. Qu'on nous explique. Ça ne doit pas se passer comme ça. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le 9 bis et le 9 terre? Le 9 bis, c'est un article de la loi de 1980 sur la loi des étrangers. C'est le seul article qui parle de la régularisation. Donc, quelqu'un peut être régularisé, mais cette régularisation, c'est... Ils disent que c'est une faveur et que, bon, voilà, c'est... avec des circonstances exceptionnelles dont on ne connaît pas le contour, tout est flou, masqué, donc on ne sait rien là-dedans, à tel point que c'est ça qui produit les sans-papiers. Vous déposez un dossier, vous avez beau étudier ici, vous avez beau travailler, vous avez non négatif, vous devez rentrer. Donc c'est de l'arbitraire exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc c'est pour cela, nous disons, il faut des critères clairs, objectifs, imparables, et que c'est une commission indépendante qui doit regarder la question. Le 9 terre, c'est un article aussi de cette loi qui permet d'être régularisé pour des raisons médicales. Mais si, à un moment donné, les juristes, les médecins, les travailleurs sociaux, tous ont été unis, des malades, que le 9 terre, là, ça ne marche pas. Un seul médecin va contredire un autre médecin qui a fait les examens, qui a vu le malade, qui connaît le dossier, qui dit que ce patient-là, je dois l'avoir à l'œil, je dois le surveiller, je dois suivre sa santé, il doit être ici. Lui, à l'office étranger, là-bas, il dit non, voilà, non, il doit repartir. Et ils ont écrit le livre blanc. Pourquoi ils l'ont écrit? Et tout ce qu'ils ont produit, ce ne sont pas des... Voilà. Et ils ont analysé la question, dans le fond. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille vraiment vers une politique qui va à l'acceptation et non à l'exclusion. C'est ce que nous avons vu ces dernières années. C'est un bon phrase pour faire encore une petite musique après, une petite pause. Et comme ça, après, on... Fier d'être belge, même si j'ai honte de nos ancêtres. Ah, c'est du passé. Vive notre économie, on n'en serait pas là sans les colonies. Et même si je suis vraiment fier d'être belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken, Théo Franken. L'Europe c'est l'Afrique, hein. J'ai vu ça moi-même, personne nous l'a appris, non. L'Europe c'est les colonies, un grand-père trop gourmand qui voulait plus tout le temps qu'on oublie trop souvent de citer à l'école. Oups. Même si c'était une autre mentalité à l'époque, ouais. Pourquoi c'est compliqué d'expliquer à mes potes. Pourquoi que mon grand-père a bossé pour la Belgique. Pourquoi et que c'est la Belgique qui a appliqué la méthode. Je l'aime, c'est mon ancien, il avait juste un taf au Congo, soit c'était un bon gars. C'est plus l'état belge qui me fait honte car il nie autant l'excuse que je fais de ton cas. Et quoi, qu'est-ce que ça coûte de dire pardon et merci, hey. On écoute le patron, on attend le Messi. On a les mains sales même si on fait la vaisselle. Le goût de la douleur ça part pas avec du persil. Une société malade, les anciens n'assument pas leur passage. Les photos du Congo belge de mon grand-père me mettent mal à l'aise même si c'est pas moi. À l'école on me parlait pas trop de ses affaires, c'était plus en privé, comme si ça faisait pas partie du passé. Fier d'être belge, même si j'ai honte de nos ancêtres. Ah c'est du passé. Vive notre économie, on n'en serait pas là sans les colonies. Et même si je suis vraiment fier d'être belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken, Théo Franken, Théo Franken. Aujourd'hui 2019, Théo Franken est populaire, beaucoup trop populaire. Les gens veulent clôturer. Les gens pensent que l'immigration prendra fin alors que ça va encore durer. Les gens pensent que le problème c'est les autres et ses souffles à protéger quelque chose qui n'existe pas. Comme des souvenirs objectifs du Congo. Comme reconnaître qu'on aime trop le contrôle. J'ai honte d'être belge quand je vois des jeunes entonner des chants racistes pendant un festival. Quand je vois l'accueil réservé aux migrants et quand je vois le discours mal caché de la NVA. Nos racines génocidaires devraient nous servir de rappel. On est qui pour oser vouloir fermer la porte, ouais c'est la merde, tu es d'accord et alors c'est comme ça qu'on finit par voter pour la gauche. Fier d'être belge, même si j'ai honte de nos ancêtres. Ah c'est du passé. Vive notre économie, on n'en serait pas là sans les colonies. Et même si je suis vraiment fier d'être belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken, Théo Franken. Fier d'être belge. Elle est belle la Belgique. Je suis vraiment fier d'être belge. Un si petit pays. Vraiment fier d'être belge. Tant de richesses. Je suis vraiment fier d'être belge. T'es de notre gueule ou quoi là. Vraiment fier d'être belge. Pourquoi on parle jamais je du passé. Je suis vraiment fier d'être belge. Va falloir s'excuser vraiment maintenant. Vraiment fier d'être belge. Va falloir avancer vraiment maintenant. Vraiment fier d'être belge. Bon voilà, vous êtes de nouveau sur Transana, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Gladys, qu'est-ce que tu penses de toute cette agitation qu'il y a je ne te parle pas en anglais, mais tu peux répondre en anglais, hein, si c'est plus facile pour toi. De toute cette agitation, justement, que font les sans-papiers au niveau de, pour, en vue des élections communales et des choses comme ça, des élections fédérales. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que pour toi, c'est... Tu as participé à quelques t'as été voir des bourgmestres, t'as été voir le bourgmestre de oui. Philippe Claus, je crois, oui, de Bruxelles, oui. Saint-Jules. Et alors, comment la rencontre était? Tu parles bien au micro. La rencontre était comment? Yeah. if I can say. It's bad. It's not bad. But to speak, they speak, but there is no action. Ouais, donc je vais juste redire. Donc Gladys, elle dit que c'est pas mal ce qu'ils disent, mais bon, il y a rien de concret. Donc il faut de concret. Just because before I joined them, they were in a forest. They were in Itabek. But until now, there is no results. Bah, elle dit avant, elle était aussi allée voir le bourgmestre de forêt d'Itabek, mais juste que maintenant, il n'y a pas vraiment de résultats ni rien de concret. But people, they are suffering. Special people, they have children. Il y a plein de gens qui sont en train de souffrir et qui des gens aussi avec des sans papiers, avec des enfants. Ouais. Old people. Des personnes âgées. It's so difficult. La situation est tellement, tellement difficile. It's so difficult. Me, I thank God always just because I'm living inside the house. But sometimes you see difficult to be inside the house 24 hours. I'm obliged to go to school in the morning. I'll finish 12 o'clock. I'll go again to French class from 1:30 to 6 o'clock evening just because I want to forget what is inside my head. I can look for Article 27 to go and see cinema until 10 or 11 for me to go home and sleep just because it's not easy. Okay. Juste traduire. Bon, elle dit qu'on reste vraiment, on n'a pas envie de rester isolé 24 heures à la maison. Je bouge le matin, je vais faire suivre une formation. L'après-midi, je vais suivre un cours de langue. Mais le soir, j'ai pas envie de rentrer parce que sinon, tu penses toujours à tes problèmes, à la situation difficile. Donc, pour se distraire, il y a l'article 27, donc c'est un prix réduit, tu peux aller voir un film ou un cinéma, mais c'est juste, c'est trop difficile de la vie, donc tu veux l'oublier de tes soucis. Yeah, it's me, I always I like to think about some people. If I'm alone, I'm sitting down in the park, I will see one woman with three children or two children. The children, they are very sensitive. Yesterday, I was sitting down next to one woman, a child of 2 years, she was asking the mother, when are we going to visit Oma in Germany? Then the mother say, I don't have paper, why are you asking me? She was, then I say, hey, madam, rustic, rustic, rustic. Then he say, ah, nee, when both, when both. So, it's true, we can live here, but sometimes you can get suicide just because you are living in depression, you are living with anger, nobody insult you, nobody beat you, but you are angry to say, when am I going to be free every time you are agressive. Ouais, donc Gladys, d'abord elle parlait de quand je vais au parc, je suis seule dans le parc, je vois des mamans avec des enfants, deux, trois enfants, et donc les enfants sont beaucoup très réceptifs à tout ce qui se passe dans le parc et tout ça. Et à un certain moment, on entend dire à l'enfant, mais maman, quand est-ce qu'on va voir grand-mère en Allemagne? Et donc la mère, elle commence à être très énervée. Elle dit, mais pourquoi tu me demandes toujours pour aller en Allemagne? Pourquoi tu me demandes toujours pour partir? Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça c'était une chose, mais je voulais dire plutôt aussi que oui, tu vois la vie autour de toi, tu vois les gens autour de toi, mais toi, tu es quand même vraiment en dépression. Tu peux vivre ici en Belgique, mais vivre comment, quoi? Tu vois, vivre en dépression, avec des pensées suicidales, parce que tu te sens vraiment seul, il n'y a rien qui change. Tu es aussi très fâché sur la situation. Il n'y a personne qui peut te libérer. Tu veux être libre, quoi. Et tu demandes, quand est-ce que je peux être libre quand va arriver ce moment-là. Moi, je peux dire que c'est dans un aquarium que nous sommes. Nous sommes passés, oui, c'est comme un poisson dans un aquarium et qu'il n'est pas dans le fleuve, qu'il peut aller de gauche à droite. Non, nous, on est là coincés. Vous bougez, vous croyez que vous êtes libre. Oh, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre, vous êtes là comme ça, coincés. Et des années, les gens vivent comme ça dans des situations pareilles. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile, tu vois. Il y a des stress, il y a des gens qui font même des crises. Voilà, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Quand est-ce que ça va changer, comme a dit ma soeur, c'est quand est-ce que la situation va changer. On essaie d'aller à gauche, à droite, mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas, c'est difficile. Moi, il y a ma fille, elle a 12 ans. Elle a commencé la maternelle ici. Elle a des choses, quand elle me parle comme ça, je vous dis, j'ai des larmes aux yeux. Il n'y a pas longtemps, elle avait mon téléphone. Elle a commencé à écrire tout ce qu'elle, elle pensait. Sans me parler comme ça, dans mon téléphone à moi, elle a écrit beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Comme par hasard, j'ai pris le téléphone, c'était sur Memo. Memo, je crois, si j'ai... Mais, oui, Memo. Et... j'ai commencé à lire, je vous dis que j'ai pleuré. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Tu vois, elle me parlait, moi je vais être comme ça, je vais avoir, tu vois, c'est une fille de 12 ans, hein. Je vais avoir une chambre pour moi seule, je vais décorer ma chambre comme ça, elle a tout détaillé là. Et après, à la fin, elle dit, maintenant j'ai 12 ans. Il n'y a encore rien. Même comme je vous parle là, j'ai vraiment, ça me donne la peine. On va passer à un petit morceau de musique. Ma famille, yeah, yeah, yeah. sais pas où aller. Plus je me souviens, plus j'ai été réveillé par une voix sèche qui m'a dit tes papiers. Et puis je me souviens que dans cet ouragan, on m'attendait la mer, mais elle portait des gants. Où aller? Où aller? Où aller? Où? Je ne sais pas où aller. Où aller? Je ne sais pas où aller. Voilà, nous voilà de retour. Donc Hélène veut reprendre un peu la parole. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, voilà ce que ma fille a écrit. Donc ça montre que c'est une enfant de 12 ans bien sûr, mais elle pense déjà à son avenir. Elle pense à son avenir. Si elle ne pensait pas à ça, elle ne pouvait pas écrire tout ce qu'elle a écrit là. Donc elle est déjà commencé à penser son avenir et maintenant elle voit devant elle tout est noir. C'est, elle va à l'école, bientôt elle va préparer son examen de CB avec tout ça. Comment elle va se concentrer sur ses études? Aller à l'école et la vie qu'elle mène n'est pas la vie qu'elle veut. Voilà, tout est confondu dans sa tête. Et cet enfant comme ça, comment on peut la laisser vivre comme ça dans cet état? Dans des situations pareilles. Les enfants sont là, parfois, elles ne parlent pas parce qu'au début, quand elles grandissaient, elles me posaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Maintenant, j'ai compris, elles ne posent pas de questions. Il y a des fois, elle est là comme ça, très calme, tranquille. Donc, je sens vraiment que non, elle est en train de penser à quelque chose. Et à chaque fois, quand je la demande, mais tu es calme comme ça, tu penses à quoi? Je pense à mon avenir, hein, maman. Donc, voilà. Je pense à mon avenir. Alors l'école. Vous voyez, tout est confus et confus. Elle est confuse comme elle est là. Vraiment, l'État belge doit vraiment voir ces problèmes-là des enfants. Parce que les enfants qui sont ici, elles sont aussi l'avenir de demain aussi pour la Belgique. Mm-hmm. Un jour, ils vont travailler quelque part. Ils vont contribuer aussi à l'État belge. Alors pourquoi les laisser comme ça? Pourquoi? Chez nous là-bas, il y a aussi des étrangers, il y a aussi des Belges qui sont là-bas, mais ils vivent mieux. Ils vivent mieux. Moi, je connais même une famille qui a vécu là-bas chez nous au Congo. L'autre jour, je l'ai raconté, la dame, elle m'a raconté comment la vie était là-bas, comment c'était merveilleuse là-bas, comment la vie était belle là-bas. Mais moi, je dis, si elle est dit comme ça, mais pourquoi nous-mêmes qui sommes du pays, de ces pays-là, on ne vit pas comme ça? Pourquoi là-bas, il y a la souffrance? Alors, si les gens fuient leur pays, peut-être pour venir trouver des solutions ici, tout le monde change. Ce n'est pas seulement les Africains. Même les Blancs aussi se déplacent. On peut chercher où on peut vivre mieux. Si on trouve que là où je suis, peut-être il y a des choses qui ne marchent pas, je peux quitter, aller peut-être tenter ailleurs. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Mais pourquoi si nous, on vient ici, si nous venons ici, on doit nous traiter comme ça? Mais quand eux, ils vont là-bas, ils sont, je ne sais pas, des patrons. Même si c'était quelqu'un qui vendait dans les magasins ou je ne sais pas moi, un pousse-poussier ou qui, je ne sais pas. Mais arriver là-bas en Afrique, c'est un patron, je vous dis. Un patron, il est dans de bonnes conditions. Mais les gens qui viennent ici, il y a des gens qui sont des médecins, qui ont étudié là-bas, ils sont des médecins. Mais quand ils viennent ici, leur diplôme ne s'est même pas considéré. Et la personne doit être là, il ne sait pas exercer son métier. Mais c'est quelqu'un qui a étudié, il a fait des études, un médecin. Mais aujourd'hui, il est là, il ne fait rien. Non, parmi les sans-papiers, il y a des gens qui ont aussi des talents, qui ont quand même beaucoup de choses à faire. Comme moi, je vous dis, moi je suis couturière. Je peux avancer, mais là, je suis bloquée sans papier. Comment je dois avancer? sans papier, comment je peux même aller me faire ou bien se spécialiser, chercher à devenir même modéliste un jour? C'est ce qui était aussi dans mes pensées. Mais là, ça fait déjà 10 ans que moi je suis ici. Et j'ai grandi aussi. Là, j'avance aussi. Quel jour maintenant je vais aussi réaliser ça? Quel jour moi je deviendrai modéliste? Quel jour? Je suis limitée, je suis coincée, je ne sais même pas faire d'autres formations. Je ne peux pas. Donc, les sans-papiers ne sont pas des criminels, comme on dit qu'ils sont des criminels, non. Ils sont déjà comme tout le monde. Ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Ils connaissent aussi beaucoup de choses. Ils ont des métiers, ils savent faire quand même des choses. Mais il faut leur donner les papiers pour voir comment ils vont se débrouiller, comment ils vont contribuer aussi à la société. C'est ce que moi, je veux dire. Et surtout, les enfants qui étudient ici, c'est quand même plus important pour eux aussi. Donc, on a eu une remarque cet après-midi parce qu'on a parlé du travail, en fait, parce qu'il y a Natalia qui était venue nous voir pour un problème sur le travail et tout. Donc les femmes ont beaucoup parlé sur le travail, ce qu'elles avaient fait et tout. Et alors il y a un moment, il y a Marie-Josée qui nous dit au comité, et Marie-Josée qui nous dit « Oui, c'est vrai que moi je suis ici depuis 13 ans, et finalement en 13 ans j'ai vieilli, alors maintenant si je dois travailler, et même Gladys a dit « Maintenant je vais avoir presque 50 ans, qu'est-ce que je vais faire? Quel travail je vais trouver quand j'aurai mes papiers? Quel travail je vais trouver? Je ne pourrai pas trouver de travail, je suis fatiguée maintenant, à 50 ans je ne peux plus travailler, c'est plus possible. » Donc les gens sont dans des situations tellement longues, sans papier et sans pouvoir faire quoi que ce soit, qu'il y a un moment, ils ne pourront même plus le faire, puisque de toute façon, même régularisés, ils ne pourront même plus aller faire ce qu'on leur propose. Quoi. Mais oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça vraiment c'est vrai. Parce que comme moi, il y a des fois, je me dis, je ne travaille pas. Il y a des fois, je me pose aussi des questions. Hein. Je ne travaille pas. Mais je sors chaque jour. Parce que si tu restes à la maison, les enfants vont manger quoi? Tu vas rester là en train de les regarder en face de toi. Impossible. Tu es obligé de sortir. Mais quand on sort comme ça pour chercher du travail, là-bas aussi, on est maltraité. Il y a des fois, on ne vous paye pas. Soit vous commencez et un jour comme ça, on vous dit non, fini, il ne faut plus venir travailler. Ou soit on a déjà trouvé une autre personne. Donc, on vous arrêtez subitement comme ça. Alors, comme a dit Gladys, moi je suis arrivée ici, j'avais 36 ans. Maintenant, si vous ajoutez, maintenant j'ai fait 10 ans. T'as 46, oui. Vous voyez? Alors, avec tous les tours que chaque jour je sors tout le temps, je dois me promener, je dois aller des couches, avec toutes les réflexions. C'est vrai? Peut-être les jours où j'aurai les papiers, j'aurai quel âge? Est-ce que j'aurai encore l'accès à l'emploi ici? On va me prendre quelque part pour travailler. Et ici, il paraît que déjà à 65 ans fini, on arrête le travail à 65 ans. Et voilà. Et nous allons travailler quand? On va rester comme ça? C'est ça les problèmes. Ok. Donc, c'est vrai que ça devient un peu compliqué la situation et chacun. C'est vrai que la régularisation, ça doit être l'enjeu majeur de toute cette campagne que vous avez menée depuis le début. Mais voilà. Alors, tu veux rajouter quelque chose? Absolument. Effectivement, c'est comme l'a dit Hélène et Gladys, tout ce temps qu'on passe en étant sans papier, on ne peut pas en sortir indemne. On sort toujours, on est presque abîmé. Parce que tout ce temps, c'est des situations que vous traversez, c'est le mental qui est entamé. C'est des sommeils, c'est des nuits d'insomnie, c'est vraiment pas facile à vivre. Même à son pire ennemi, c'est pas une situation comme je souhaiterais. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que les gens se positionnent sans attendre le moment de pouvoir sortir les gens dans cette situation. C'est un gâchis humain ce qui se passe. C'est inadmissible en plein 21e siècle de continuer à vivre. Voilà. C'est que on a, avec la politique que nous avons vécue, le pays s'est fracturé quand même. Il faut le reconnaître. Si on ne veut pas le reconnaître, parce que quand les populistes veulent monter au créneau avec leur façon de faire, Mais il y a les citoyens qui sont là aussi à dire que non, nous hébergeons les gens et que non, les migrants sont les bienvenus. Donc aujourd'hui, allons vers une société qui accepte, c'est pas une société qui se construit des murs, qui soit des murs au niveau des têtes. Le vivre ensemble est possible et dans le concret, nous voulons que ce soit par la régularisation des sans-papiers, l'accès aux droits. Les femmes, vous avez entendu Hélène et Gladys, ces femmes-là sont elles sont battantes, elles veulent s'en sortir. Tout ce qu'elles veulent, c'est élever leurs enfants, travailler, se rendre utile pour leur famille et qu'on leur donne les droits pour qu'ils puissent se défendre dans la société. Nous savons que dans la vie c'est un combat. Mais c'est un combat qu'on doit mener à armes égales. Ce n'est pas dans les inégalités qu'on construit une société. Parce que quand il y a des inégalités, dans les inégalités, ça crée toujours des laissés pour compte. Ça provoque des frustrations, c'est le mal-être, c'est beaucoup on souffre et les gens meurent. Donc aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont voulu expérimenter leur politique ferme et humaine, ils ont échoué. C'est une politique qui fait mal, qui a fait mal, qui n'apporte rien. Celle que nous proposons, c'est une politique d'asile migratoire apaisée, acceptation. On regarde les dossiers et vraiment, avec parcimonie, sans pouvoir aller dans l'exclusion, accepter les gens et les intégrer dans l'état de droit au lieu de continuer. Donc c'est pour cela, nous le 28, nous serons vraiment, nous appelons tous les Belges, nous appelons les sans-papiers à sortir, à venir nous rejoindre, à manifester. À la gare du Nord, nous allons marcher jusqu'à l'esplanade de la gare du Midi pour vraiment demander à voir à la veille du 26, au lendemain du 26, un gouvernement qui régularisera les sans-papiers. L'idée, c'est ça. Et qui trouvera des solutions durables pour tous les autres personnes. Est-ce que vous sentez un soutien un peu comme en 2008, juste avant le 2009, où il y avait les universités, les syndicats, et quand même pas mal de sans-papiers qui étaient reliés ensemble et qui faisaient un combat fort ensemble? Bon, c'est vrai que le contexte est un peu différent. Chaque période, le contexte est différent. 2008, comme vous le dites, il n'y avait pas la question climatique. Aujourd'hui, les gens sont plus orientés vers la question climatique. Mais en oubliant que, je disais tantôt, que c'est des choses qui se pensent ensemble. Donc, ça nous de toujours... Mais ils disent quand même climatique et justice sociale. Oui. Et donc, ils parlent un peu de migration, vraiment, mais c'est vrai que les revendications, c'est souvent quand même lié à climat et pas vraiment à la régularisation. On va le dire, on va poser tous ces problèmes-là, surtout avec la manif qui va se pointer aussi le 12 mai, où on pense aussi avoir un espace de parole pour pouvoir amener. Et parce que c'est tous ces problèmes-là qui devront être... résolu par les gouvernements qui vont venir. Ça fait 2 ans déjà que les Belges manifestent contre le racisme. Moi, je suis ici depuis 2009. Je n'avais jamais vu des manifs contre le racisme à plein. Aujourd'hui, il est admis que le 24 mars de chaque année, on commence à manifester contre le racisme. Mais parce qu'il y a un fossé qui a été creusé, il y a un boulevard qu'on a laissé à tous ceux qui voulaient diviser le pays. Et que, voilà, donc c'est... Et le racisme s'est installé, donc il faut qu'on combatte ça ensemble. C'est normal qu'on combatte ensemble. Donc pour qu'on ne vise pas tout ce qu'on a vécu de fâché dans ce sens, il faut que les politiques de demain, ceux qui auront la responsabilité de gérer la cité, le fassent vraiment en intégrant, en ne laissant personne au bord de la route. Mais vous avez pris contact avec tous ces groupes pour la manif du 28 ? Vous avez des contacts directs avec eux, comme le truc de Climate Express, ceux qui font les manifs pour le climat et ceux qui organisent les manifs pour le racisme ? Est-ce qu'ils sont vraiment avec vous ? Nous avons lancé l'appel. L'appel est lancé. Et nous sommes en train de collecter déjà des signatures. Il y a beaucoup de collectifs qui sont déjà signataires de notre appel. Et les médias en fera écho certainement aussi dans la semaine avec le cahier de recommandations que nous avons lancé, avec les tours que nous avons fait dans les universités. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, nous sommes dans votre radio. C'est déjà un espace où voilà, on a la parole, on peut dire aussi. Voilà. Et donc, nous voulons que ça puisse s'amplifier. On est prêt à pouvoir participer à des débats contradictoires. C'est ce que même nous souhaitons, mais malheureusement... Il faut aller en Flandre, alors. On souhaitait... Est-ce que ça, c'est quand même ma question aussi. Est-ce que le mémorandum a été traduit en néerlandais? Est-ce qu'il y a eu des passages... Parce qu'il y a la coalition de migration ou asile. Non, coalition non. Asile, coalition. Il y a quand même certaines initiatives néerlandophones. Est-ce que là, vous avez aussi pu aller en parler? On avoue que, bon, ça, c'est l'une des faiblesses peut-être de la coordination. On n'a pas les moyens de... faire de aller jusqu'à ce point. On a cherché à aller en Flandre, mais c'est pas, l'accès n'est pas toujours aussi facile. Et que, bon, voilà, l'idée... Mais c'est pas que la sécurisation, le soutien avait pu nous, le faire nous aussi. Les discussions que nous avons avec les partis politiques, qui, dans leurs échanges, ce que nous voulons, c'est à eux aussi de vraiment de créer des alliances avec cette question. Parce que quand, voilà, PTB avec de l'autre côté, PDAV, c'est le même parti, Groen et Écolo, ils peuvent parler ensemble, CDNV, ouais, les CDH, syndicats aussi. Les syndicats aussi. Donc c'est comme ça que nous essayons de mener, que, voilà, qui essaie un peu de discuter, de traiter ces questions-là, de voir quelles sont les solutions qui pourront mettre autour de la table pour. Voilà quoi. Parce que. Ce n'est pas facile, mais bon, on a fait ce qu'on a pu faire. Mais ici, du côté francophone, il y a un son discordant, c'est surtout avec le parti qui a été au gouvernement. Bon, on comprend sa position. Bon, ils ont été, c'est pas facile d'assumer aussi un échec. Voilà, parce que pour nous, la politique d'asile-migration, c'était un échec. Ça, on n'a pas besoin de... On s'en cache pas, mais... Un échec se corrige. Hein. On ne peut pas, continuer. On peut pas continuer dans l'échec. Hein. Démissionner. On peut pas continuer dans l'échec. Un échec, quand on a échoué, on corrige l'échec. Et, et les citoyens, aujourd'hui, ont la possibilité de corriger cet échec-là. Bah, Gladys, vous voulez parler aussi? I want to ask him. I think I have a meeting. I have a meeting with them. I'm seeing only three men coordinate. Mm-hmm. Why they don't have a coordination for the women? Ah, il y avait une question. Il n'y a que trois dans la coordination qui n'avaient pas de femmes. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans la coordination, c'est ça? Parce que les femmes sont Elle voit que trois hommes qui vont souvent les rencontrer, mais il n'y a pas de femmes. Mais bon. Non, mais là, c'est la communauté de femmes qui manque. Non, mais nous, nous avons toujours associé le comité des femmes sur papier. Nous pensons que nous le considérons comme partie prenante de la coordination des sans papiers. Et que ce n'est pas facile avec aussi les agendas que nous tenons, de voir aussi la disponibilité des femmes qui ont des enfants en charge, qui ont des... C'est pas facile. Donc si c'est déjà difficile pour les hommes, c'est beaucoup difficile vraiment pour les femmes. Nous comprenons ça. Mais elles sont les bienvenues, elles viennent de façon intermittente, voilà, elles se font voir, et puis bon. Mais nous, le combat que nous le menons pour tout le monde. Femmes, enfants, tout son papier, travers son papier, c'est un combat vraiment de tout le monde. Oui, mais Gladys, tu es la bienvenue. Moi, j'ai... Ils attendent de vous. Hein, de toute façon, la coordination, ça fait les très femmes, les femmes, ils sont. Ça fait très longtemps. Pourquoi elles ne viennent pas à la réunion, quoi, tu vois, ni à la rencontre. Just because if I want to express myself, I cannot express to a man. Just because there are some things I want to express myself. Ok, elle dit qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut pas s'exprimer vers un homme, donc elle voulait une coordination entre les femmes. Yeah. Pour mieux s'exprimer, pour parler, pour avoir la parole plus facilement. And the men, they cannot express what women they are feeling. It's only women to women, they can express what we are feeling. Me, I was thinking if we can go and meet the... Minister for Interior, it's not possible. Elle veut aller parler avec des ministres féminins pour parler de femmes en femmes. Ah, et donc, au niveau de la coordination, on peut organiser ça. On peut, voilà, nous si il y a des agendas comme ça là, qu'on peut. C'est ça que souvent moi je le dis, on ne cesse de le dire. Ce n'est pas nouveau. Hélène qui est à tes côtés le sait. Parce que c'est difficile parfois pour nous. Si c'est dit, les choses sont dites par les femmes, et aussi, voilà, ceux qui vont vous écouter auront une autre oreille aussi. Mais oui, donc elle dit, vous ne pouvez pas vraiment sentir comment les femmes se sentent, donc c'est mieux que les femmes expliquent. Et voilà. Vers d'autres femmes, alors. Donc c'est ça que... Il faut venir. Il faut trouver la ministre féminine, déjà. Les portes sont de la coordination. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Ouais. Ok. Bon, alors la manifestation part à 14h, c'est ça ? Oui. De la Gare de Nord ? Tout à fait. C'est 14h, disposition mise en place terminée, prise de parole dès le départ. Et puis on marche jusqu'à l'esplanade de la Gare de Midi. Donc il y a un appel de prise de parole des femmes. Voilà. Et on espère que les femmes du comité des femmes lui, sont pas prises. Il vient pas. Oui, aussi. Je suis jamais. C'est seulement un jour. Oui, oui. Bon. Ok. En tout cas, le comité des femmes sans papiers existe. Si vous voulez, je vais vous redonner l'adresse. Pour l'instant, nous sommes basés au 54 de la rue Dauphème, dans l'association Voyage. Et nous sommes là pendant 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi, de 10h30 à 16h, 16, 17h, ça dépend. Bon, en général, ça déborde un petit peu de 16h parce que comme les femmes arrivent souvent à 10h30 pile, mais enfin bon, ça commence à 10h30. Moi, je suis là pour ouvrir les portes à 10h30, après j'attends. Et donc là, le comité de femmes, c'est un espace de rencontre pour être ensemble en femmes, pour faire des discussions ensemble, mais aussi pour faire un atelier. Et puis c'est des aujourd'hui, j'ai eu Alphonsine qui est venue et qui a dit ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver ici à parler et tout. Donc il y a des femmes, Alphonsine qui vit seule, dit que pour elle c'est quand même bien de pouvoir venir se rencontrer. Alors il y a un prétexte, la couture, on peut faire une activité de couture, mais c'est plus un prétexte pour les femmes qui veulent coudre, elles cousent, mais celles qui ne veulent pas forcément coudre, elles cousent pas, et puis voilà. Et on mange ensemble, et on discute, et puis c'est sympa. Et on essaye de se mobiliser aussi pour certaines actions. Voilà. Bah oui, mais c'est... Oui, donc moi, je fais appel à toutes les femmes sans papier, là où elles se trouvent. Ne restez pas à la maison chez vous, à moins que vous avez des choses à faire. Oui, si vous n'avez rien à faire, venez nous rejoindre à 1000 Bruxelles, sur rue Opem, comme a dit Nicole, numéro 54, nous sommes là. Venez, nous allons partager ensemble, parler de nos situations, de nos vies quotidiennes, passer quand même le temps ensemble, ça nous fera quand même du bien, d'oublier aussi d'autres choses. Au lieu de rester là à la maison, seule, en train de penser, non. Là, vous êtes en train de nuire aussi à votre santé, donc venez, n'hésitez pas, la porte est ouverte pour toutes les femmes sans papier. Ok. Merci. On va peut-être faire un petit agenda rapide parce que bon, il est déjà presque 22 heures. On passe un morceau de musique avant ou... Comme vous voulez. Oui, un petit morceau de musique avant. بعزف على العود على هوية أنا مش موجود الوتر وشقفة خشبي عندي بارود بلا جنسية ولا عندي حدود وإذا تسألني قلتلك بعزف على العود Alors donc, on va terminer, je vais essayer de terminer assez rapidement puisqu'il est déjà tard. Donc on a un agenda qui n'est pas très fourni. Demain, 18 avril, si vous voulez y aller, c'est à partir de 19h. Voilà, moi j'ai fini pour ce soir. C'est tout. Ben, on va remercier nos amis. Merci et puis bonne chance pour la suite, hein, parce que bon... C'est mené tombé au battant jusqu'au 26 mai. Il approche le 26 mai. Hein. Garde espoir. Merci beaucoup. Ouais. Merci à nos deux amis, là, en face, nos deux femmes, hein, d'être venues, même si c'était un petit peu émouvant pour Hélène, mais c'est bien. Et ben, on se voit, je ne sais pas, la semaine prochaine. Moi, je ne suis pas là. Donc, je ne sais pas qui sera là. Allez, ma mixera là quand même. Non. Ah là. Désolé. Okay. On ne sait pas encore, on doit en discuter. Bon, ben je vous... Ben, bonsoir et à bientôt. Au revoir. Bien, au revoir. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.